Bonjour fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce mercredi le 24 mars 2021. D'abord les grands titres. Des croyances religieuses ou ancestrales seraient à l'origine du désintéressement de certaines familles et de la province sanitaire Rumonge par rapport à la vaccination de leurs enfants. Et les abeilles contenues dans plus de 200 ruches en province Karoussi sont mortes sans en connaître les causes. La chronique N de ce mercredi parle des effets de la radicalisation dans un processus de renormalisation de la société. Voilà pour les titres. Vestine Boutou, je suis à la présentation à la cabine technique. C'est Madame Séraphine Akiziman. Rebonjour. Certaines familles du district sanitaire de Rumonge ne répondent pas à la vaccination de routine de leurs enfants. Les acteurs de la vaccination qui le disent informent que cela est lié aux croyances religieuses ou ancestrales ou encore une faible importance accordée à la vaccination. Dans une rencontre avec les acteurs de la vaccination ce mardi, Dr Jean-Claude Ndikoumasabo, médecin provincial de Rumonge, appelle ces acteurs à redoubler d'efforts dans la plaidoirie en faveur de la vaccination de routine. Jean-Pierre Misako. Les acteurs de la vaccination travaillant directement au sein des communautés ont déjà identifié 8 familles dans le district sanitaire de Rumonge encore réticentes face à la vaccination de routine. Selon ces acteurs, la religion, les croyances ancestrales ou encore la mise en avant des activités quotidiennes comme le commerce au lieu de privilégier la vaccination de routine sont par les causes de cette réticence. Pour Dr Jean-Claude Ndikoumasabo, médecin provincial de Rumonge, il s'agit là de l'ignorance et demande à la population de son ressort de s'adonner à la vaccination de routine pour le bien-être de leurs enfants et de toute la communauté. Il y a des acteurs de la vaccination qui travaillent directement au niveau de la communauté, qui des fois passent au niveau des ménages, qui signalent des cas de famille et qui sont réticentes face à la vaccination. Considérons ça comme une ignorance et nous implorons à ces familles d'adhérer à la vaccination systématique de leurs enfants pour éviter que ces enfants-là ne soient pas un foyer de propagation des maladies qui pourtant sont évitables par la vaccination. Dans une réunion avec les leaders communautaires ce mardi à Rumonge, le médecin provincial de Rumonge leur demande de se donner corps et âme pour plaider en faveur de la vaccination de routine. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Une femme de Gwimbo Gwanzone Muna Gano de la commune Muyinga est entre les mains de la police judiciaire au chef-lieu de la province Muyinga. Il est accusé d'avoir jeté un bébé qu'elle venait de mettre au monde ce mardi sous prétexte que le père de l'enfant niait sa paternité. Minani Lambert, conseiller technique et chargé des questions sociales et administratives en commune Muyinga, fait savoir que le bébé a été trouvé ce mardi près de la frontière séparant les communes Butihinda et Muyinga et que les premières enquêtes ont révélé que la femme en question était concernée par cette affaire et pour le moment le bébé subit des soins à l'hôpital de référence Muyinga. Les apiculteurs de la colline Ranvin, commune Buhigan, province Karoussi, s'inquiètent de leurs abeilles qui meurent sans en connaître la cause. Le responsable du bureau provincial de l'élevage, environnement et agriculture affirme avoir recensé plus de 200 ruches qui ont subi le même sort. Il fait savoir que des enquêtes sont en cours pour identifier les causes de la mort de ces abeilles et des ruches de la localité Blaise Pascal Kararoumi. Certains des habitants de cette colline de Ranvia, de la commune Buhiga, province Karoussi, indiquent qu'ils observent depuis une semaine la mort des abeilles dans les ruches qui sont éparpillées un peu partout dans les différents arbrisseaux de la colline. Ils indiquent que ces abeilles, on les trouve mortes dans l'intérieur des ruches ou bien à l'extérieur. Le directeur provincial de l'élevage, de l'agriculture et de l'environnement à Karoussi indique être au courant de cette situation et affirme qu'il était sur place ce mardi avec les forces de l'ordre pour constater cette situation. Jean Sévéré Sinzobatohana fait savoir qu'ils ont commencé des enquêtes pour savoir le motif de cette mort de ces abeilles de la localité et indique qu'ils recherchent encore s'il y serait une maladie qui se serait introduite dans la localité. Il demande à la population et plus particulièrement à ses apiculteurs de ne pas accuser l'un ou l'autre mais plutôt de rester serein en attendant des solutions qui seront trouvées au niveau de la direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement à Karusi. Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h, studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Plus de 5000 Africains perdent leur vie chaque année à cause de la tuberculose. Cela ressort du rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année. Docteur Matidi Somoeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, exhorte les gouvernements et les partenaires à solutionner le déficit financier qui entrave la riposte à la tuberculose en Afrique. On est là mucho. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 2019, près de 2,5 millions de cas de tuberculose étaient enregistrés dans la région africaine et plus de 500 000 personnes meurent chaque année. Et la morbidité mondiale liée à cette maladie est de 25%. Lors de l'atelier sur la problématique de tuberculose organisé le 3 avril 2019 au Burundi, il a été précisé que près de 8 000 Burundais attrapent la tuberculose chaque année et en 2018, il avait été dépisté 7202 cas contre 2317 cas en 1985. Docteur Matidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, trouve qu'il n'y a aucune excuse pour cette situation au moment où le dépistage et le traitement sont gratuits dans tous les pays. Elle évoque toutefois qu'après avoir contracté cette maladie, beaucoup de gens tombent dans la pauvreté à cause de revenus subis et des frais de transport et autres dépenses à supporter selon les enquêtes réalisées sur les coûts de la tuberculose au Kenya, en Ouganda, en RDC et au Zimbabwe. Malgré cela, elle précise que certains pays africains ont réalisé des progrès importants ces dernières années, comme le Kenya, le Mozambique, la République unie de Tanzanie et la Sierra Leone, qui ont réduit plus de 30% la mortalité liée à la tuberculose entre 2015 et 2019. Toutefois, Dr Moeti signale que les progrès globaux de la région africaine de l'OMS restent plus lents que les objectifs fixés pour l'an 2020. Comme contenu dans son même rapport, l'un des défis majeurs actuellement est la pandémie de la COVID-19 qui a accentué les difficultés d'accès aux services de lutte contre la tuberculose. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique demande au gouvernement et aux partenaires africains de faire face au déficit financier qui entrave la riposte à la tuberculose afin que l'Afrique puisse atteindre les cibles des objectifs de développement durable liés à cette maladie dans l'intérêt des populations africaines et des générations futures. Merci Ornella Mucho. Le commerce de l'huile de palme dans les marchés, le manque des électriciens qualifiés y affectés sont les causes principales provocatrices des incendies dans les marchés du Burundi. Déclaration du directeur général de la protection civile et de la gestion des catastrophes lors du lancement officiel de la formation au commerçant relative à la protection des incendies dans les marchés. Somme et crédit. Aniseni Baruta demande au gouvernement de rendre disponibles dans tous les marchés les équipements nécessaires afin de lutter contre les incendies. On l'écoute. Je voudrais rappeler les causes principales des incendies des marchés. Il s'agit entre autres des commerçants qui vendent l'huile de palme et qui chauffent l'huile pour le vendre à l'état liquide et qui rentrent après avoir laissé le feu dans le marché et tard dans la nuit, le marché prend feu. Il s'agit aussi de ceux qui vendent l'arachide, qui font des petits paquets et utilisent le feu pour emballer cet arachide. Il s'agit aussi des batteries usées qu'on laisse dans les kiosques et qui gonflent et après ils éclatent et donnent aussi lieu aux incendies. Il y a des gens qui font une alimentation électrique et qui le font sans être électricien et qui le font aussi avec des fils de petite section et ça c'est aussi une cause d'incendie. Il faut aussi craindre les compteurs usés qu'on a utilisés pour une longue période. Ces compteurs peuvent aussi occasionner des incendies. En ce qui est des recommandations aux gestionnaires des marchés, c'est plutôt au gouverneur de province et au maire de la ville de Bujumbura de désigner des électriciens qui gèrent au quotidien ces aspects de courant électrique. C'est aussi de respecter les passages des camions anti-incendie. Il faut enlever pour ces passages les articles que les commerçants installent dans ces passages. Il faut aussi séparer les articles parce qu'il y a des articles inflammables qu'on mélange avec d'autres articles. Au moment où survient un incendie, le feu s'intensifie. Je recommande aussi aux sapeurs-pompiers d'intensifier les exercices de simulation pour se rassurer que ces passages sont à tout moment ouverts. Je fais un appel aussi à la population pour que, au premier vu d'un aspect d'incendie, au numéro vert 113. Parle, rassure-moi. La chronique d'aujourd'hui parle des effets de la radicalisation dans les processus de normalisation de la société. Le professeur historien Eric Ndaïsaba explique qu'on parle de radicalisation quand les membres de certains groupes prennent des positions extrêmes suivant leur groupe. Cela risque, selon lui, de provoquer des conflits cycliques. Le professeur Ndaïsaba indique que pour déconstruire ce phénomène, le rôle revient à la société et à l'État au Banyamuru. Le radicalisme naît des positions extrêmes prises par les membres de certains groupes dans les communautés. Selon Eric Ndaïsaba, le rôle primordial est joué par les plus influents qui sont considérés comme des leaders au sein de leur groupe. Il y a radicalisation en fait, quand dans un groupe, dans un contexte de polarisation, les gens prennent des positions extrêmes. Ces avis des membres des groupes, notamment les plus influents, doivent en fait influencer les autres jusqu'à ce que les groupes deviennent conflictuels, opposés. Selon ce professeur historien, l'intérêt de cette radicalisation peut soit être individuel ou collectif. Dans des sociétés ayant connu des divisions, la radicalisation est avancée par ceux qui se prennent pour des victimes ou réellement qui l'ont été. Dans ce cas, ces gens qui se considèrent toujours victimes, et parce que des fois ils le sont. Eh bien, parfois, ce sont des acteurs influents qui ont de l'influence sur le reste de l'ensemble du groupe. Et là, le problème, c'est que cette problématique de la sortie de crise qui doit prendre du temps pour qu'il y ait une nouvelle génération ou de nouvelles idées au sein même du groupe dans un contexte de dynamique de groupe qui permettent l'ouverture vers d'autres perspectives. Il y a des intérêts aussi bien individuels que collectifs, des intérêts politiques. Ou bien considérer que cette situation nouvelle ne sera pas favorable pour l'un, notamment qui pourrait être jugé. Pour déconstruire le discours qui prône le radicalisme, le professeur Eric Ndaïsaba souligne que la démarche est participative et implique plusieurs catégories de gens. C'est d'abord le rôle de tout le monde. Il y a le rôle de la société dans son ensemble. Il y a aussi le rôle de l'État, parce que c'est l'État qui doit mettre en place, par exemple, les mécanismes de justice traditionnelle, lesquels mécanismes, bon, par exemple, ces différentes commissions pour le Burundi, et cela pour nous aider, pour aider la société à penser à la sortie de crise et à la vérité, à la réconciliation, notamment à s'occuper des réfugiés, des victimes, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le rôle de tout le monde. C'est vraiment, la démarche, l'approche devait être participative, c'est-à-dire permettre à un grand nombre d'acteurs pour en fait s'exprimer et réfléchir ensemble sur les différentes les enjeux qui, relatifs à ce processus. Il propose la promotion des discours apaisés, rassembleurs et qui s'inscrivent dans une dynamique évolutive allant dans le sens de sortie de crise. Merci. Omani Onguru, les prisonniers qui vont bientôt être relâchés sont appelés à afficher un comportement responsable et à s'atteler aux travaux de développement communautaire sur leurs collines de provenance. C'est l'appel de Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de l'association Nabariza, militant pour la défense des droits des prisonniers, dans un point de presse tenu à la prison centrale Gitega ce mercredi, au cours d'une visite de formation des prisonniers sur la bonne conduite. Il demande en outre au voisinage de bien accueillir ceux qui vont être relâchés. Suivez-le, traduit en français par Évariste Nzekobanyama. Kugira dushike kuri nobohero twinjire kwigisha bene wacu bucabare kugwa murazi neza ko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nous sommes dans cette visite ici à la prison centrale pour sensibiliser les prisonniers qui vont bientôt être libérés. Vous savez que le président de la République a gracié 5255 prisonniers. Nous avons constaté qu'il y a des prisonniers, une fois relâchés, ils se méconduisent. Nous sommes ici alors pour leur montrer l'importance de leur libération, qu'en contrepartie, ils doivent afficher un bon comportement. Partout où nous passons, nous sensibilisons les hommes et les femmes. Ceux qui vont être libérés, nous leur demandons de bien se comporter pour éviter de retourner en prison. Il faut qu'ils s'attellent aux travaux de développement sur leurs collines, comme le souhaite le gouvernement. Ceux qui restent, qu'ils s'abstiennent. Je les tranquillise. Ceux qui vont être libérés, aujourd'hui, ils sont contents. Ils vont regagner leur famille. Vous qui restez, soyez tranquilles, nous sommes passés aussi dans cette vie. Nous appelons les gens qui sont sur les collines à bien accueillir ceux qui vont sortir de prison, qui ne les considéraient pas comme des fautifs avant leur libération. Il y a ceux qui tiennent toujours la décision. À la source, reportage. Le reporter du jour nous fait visiter l'école technique secondaire ETS Rutana qui compte plus de 160 élèves avec seulement 8 ordinateurs. Cette école a une seule section d'informatique de gestion. Réverier Nahomvouy est directeur communal de l'enseignement en commune Rutana, dit être au courant de cette problématique et demande à l'assistance en machine ordinateur Mireille Kanyang. L'école a 8 ordinateurs pour enseigner ses élèves. Chacune des 8 machines ordinateurs est partagée par plus de 4 élèves. Un problème à cette école technique secondaire, déplore Juvenal Minani, directeur de cette école technique secondaire. C'est une école qui a une seule section, l'informatique de gestion. L'école a 8 ordinateurs pour enseigner ses élèves. Nous les mettons en groupe. Nous faisons des groupes et on fait des tours à tour de rôle. Et donc, c'est pas facile parce que le temps prévu pour un cours, ce temps devient insuffisant parce que nous devons prendre beaucoup de temps. Mais des fois, on peut enseigner les après-midi et les samedis aussi. C'est réellement un problème d'apprentissage, disent les élèves Valida, Dorine Moutawazi et juste Ariel et Zako. Selon eux, dans une classe de 40 élèves, il faudrait au moins 20 machines ordinateurs pour faciliter l'apprentissage. Réverien Naumvuki est directeur communal de l'éducation en commune Rutana, dit être au courant de cette problématique et demande plutôt au ministère de l'éducation d'assister cette école. Nous avons une information suffisante dans cette insuffisance des machines et toutes les machines ordinateurs et nous avons vu que c'était un problème sérieux au niveau de l'apprentissage. Parce que 5 ou 6 enfants partagent la même machine. Alors pendant les apprentissages, ces enfants n'apprennent pas convenablement. Alors pour nous, nous avons alors donné des rapports au niveau de la DPE. Alors aussi, la DPE là aussi a donné des rapports au niveau du ministère. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu une réponse sur ça. Nous avons aussi essayé de demander l'appui aux organisations internationales qui œuvrent ici dans notre commune. Mais aussi, on n'a pas eu une réponse favorable. Sur 161 élèves, les filles sont au nombre de 102 sur 59 garçons. Cette école technique secondaire de Rutana a ouvert ses portes l'année scolaire 2017-2018. Merci Mireille Kanyang. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Akizemana pour la collaboration technique. Festina Outoujete à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi.